esprit les mains des artisans pour façonner ce que ta gloire demande. Car même l'habileté humaine devient sacrée quand on souffle la commande. Et tu rappelles le sabbat comme un signe, une alliance gravée dans le temps. Car le repos devient aussi un langage entre ton cœur et ton enfant. Tu sanctifies ce que tu appelles. Tu es le Dieu qui nous met. Tu consacres nos jours et nos œuvres, car servir sans reposer en toi dessèche même les cœurs les plus solides. Tu es le Dieu qui nous met. Thank you.